Allô et bienvenue au podcast Anne et Kat. On est maintenant à notre sixième podcast et mon Dieu, on va commencer ça tout de suite en parlant de nos jeux de la semaine. Toi, Anne, tu joues à quoi? Moi, ce mois-ci, j'ai été vraiment relax côté gaming. Je te dirais, j'ai profité surtout de l'option du spécial Halloween avec Overwatch. C'est pas mal Oh! ça. Ouais. Oh, ça nous arrive à toutes, ça nous arrive à toutes. Mais c'était quoi le spécial Halloween en fait? C'est qu'il y avait des skins spéciaux pour Halloween. Il y avait, tu sais, quand à la fin, tu finis une game puis tu gagnes, t'as le personnage principal qui gagne, mais t'as comme une petite animation spéciale. Il y avait des phrases spéciales, des emotes spéciales. Donc, c'était vraiment intéressant de profiter de cet événement-là pour avoir un petit skin qui est différent des autres, là. Puis un coup que l'événement est terminé, est-ce que tu peux garder ces choses-là ou ils disparaissent? Non, tu les gardes. Ah! Fait que c'est pour ça que ça valait la Ah! peine. Ben J'en ai gagné oui! zéro. Oh Moi-même, non! il y a eu toutes les skins, moi j'en ai eu zéro. Ah mon Ah. Dieu! Tu vois, en rage là-dessus. Ben oui! Caroline! Parce qu'au moins, tu vas pouvoir te pratiquer pour l'année prochaine. C'est ça, au moins il y a mes skills qui ont profité, Moi, de mon côté, j'ai essayé de jouer à World of Warcraft. Ça a été un vrai casse-tête. Ah Puis, ouais! ouais, mais c'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer à World of Warcraft, en fait, parce que j'ai. Au départ, la nouvelle expansion allait bien. Puis, avec une amie, on avait monté un petit groupe. Puis, je voulais. Fallait jouer Alliance. Puis, je jouais un Demon Hunter. Puis, je voulais vraiment essayer la nouvelle race avec la nouvelle expansion. Fait que là, j'ai été m'acheter. Moi, je m'achète des cartes au magasin. Son meilleur marché, ça te donne 2 mois de jeu. Fait que là, j'achète ma carte, je commence à jouer, puis je suis incapable de jouer. Le jeu me ferme d'en face aux 15 minutes. Puis, genre, tu fais une espèce d'instance. Fait que là, mon groupe pouvait pas venir avec moi pour m'aider. Dans le fond, j'étais toute seule. Fait que c'était vraiment déplaisant quand tu fais ça pour jouer en groupe. Puis, une des affaires que j'aimais de WoW, c'était qu'on n'avait pas vraiment d'instance. Puis là, j'étais pognée dans une instance. Fait que là, j'étais vraiment choquée. Puis là, qu'est-ce que ça faisait? C'est que j'étais pas capable de passer au travers de l'instance, que je me transformais en espèce de petite boule Ok. qui volait. My God. Ah non, T'es c'était comme une bizarre. astre en vol. Ah, c'était bizarre. Puis j'ai refait l'instance peut-être 4 fois, puis ça marchait pas. Dans le fond, la progression, elle s'enclenchait pas. Fait que là, je comprenais pas. Fait que encore une fois, tu sais, moi, je perds mon temps. Tu sais, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder des walkthroughs, tu sais, vraiment là. Demon Hunter Alliance qui fait cette partie. Puis tout qu'est-ce que je vois sur YouTube, c'est qu'est-ce que je fais, mais il y a un personnage à la fin qui spawn puis qui t'amène à l'étape suivante. Il l'a jamais fait, moi. Il apparaissait jamais. Je voulais rien savoir. Non, vraiment. Fait que à ce moment-là, j'ai contacté le support. Puis là, tu sais, j'étais vraiment à bout, là, parce que, tu sais, quand tu perds ton temps, puis t'essayes, ça marche jamais. Là, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien. Que, dans le fond, c'était en gros que, probablement que c'est parce que, tu sais, j'étais pas assez bonne pour le faire. C'est quasiment un Puis, peu enrageant de se faire dire ça, là. ben, c'est ça. Surtout quand tu t'as le jeu dans ta face qui te brise dans ta face. Tu sais, tu payes par mois, puis le jeu te ferme d'en face. Tu sais, t'es tout le C'est temps assez bizarre. déconnecté, puis tu payes, là, pour jouer, là, ça marche pas, là. Ce qui est dommage, c'est que même le support technique ne peut pas t'aider. Ben, c'est ça. Là, après ça, j'ai dit, OK, fine, moi, je veux rien savoir, dans le fond, de ce jeu-là de marde, je peux-tu être remboursé? Fait que là, ils m'ont dit, ah, ça fait trop longtemps, la sortie. Genre, en septembre, tu sais. Septembre, octobre, novembre. Ben, ça fait quand même 3 mois. Normalement, c'est 30 Oui! jours, ça, dans les garanties, Oui, mais c'est parce que l'affaire là-dedans, c'est que ça a été long, parce que j'essayais de régler le problème. Puis là. je Ouais. pouvais même pas jouer. Ça, c'est sûr, c'est plate, là. Il aurait pu essayer de donner une compensation ou quelque chose dans le genre, mais Ben, j'imagine qu'il... c'est ça. Là, ensuite, je vous ai demandé, j'ai dit, OK, j'ai 2 mois de temps de jeu. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me le rembourser, ça, ou le transférer à quelqu'un? Ah, il dit non. Il dit, t'as acheté ton temps dans un third party, genre, puis il commence à me faire la morale un peu. Tu sais, style, là, que genre, il pensait que j'avais acheté mon temps de jeu chez G2A, là. Ok. Tu Mais sais, même si tu l'aurais acheté là, rendu là, c'est pas de leur affaire, là, tant que Ben, tel, là. ils disent que vu que c'est un third party, genre, ils peuvent pas rembourser. Mais l'affaire, puis là, là, je pouvais même pas leur répondre parce qu'eux autres, ils avaient fermé l'étiquette. Ça va bien, ça? Fait que là, après ça, il y a eu un sondage, genre, sur ma satisfaction, là. Puis t'en as profité? Ben, j'ai écrit à la fin, c'est marqué, est-ce que vous avez des commentaires? Fait que j'ai écrit à la fin. Puis j'ai dit, moi, je me fais dire que j'ai acheté des trucs third party. J'ai dit, j'ai une carte de temps de jeu, c'est écrit dessus qu'elle appartient à Blizzard, que c'est la seule et unique propriété de Blizzard, blablabla. J'ai dit, et où ton third party là-dedans, là? J'ai dit, ça marche pas, là. Puis j'ai dit, j'ai dépensé au-dessus de 125$ juste depuis septembre dans ce jeu-là. Puis j'ai dit, j'ai rien qui m'est resté. Puis en tout cas, fait que ça a été une expérience assez de marde qui fait en sorte que, tu sais, je suis comme fini, là, pour ce jeu-là, là. Tu sais, c'est pas un jeu que je vais retourner, là, jouer, mais pas pantoute dans ma vie, je pense. Est-ce que tu as essayé de parler avec quelqu'un d'autre? Parce que souvent aussi, dans les services à la clientèle, c'est pas tous les employés qui donnent le même service. Je te donne un exemple. Ma soeur avait eu un problème. Ben, ma mère, surtout, avait eu un problème avec PlayStation. Elle savait pas parler anglais. Fait qu'elle demandait à moi et ma soeur de faire quelque chose avec le service à la clientèle, support technique. Ma soeur, peu importe à qui elle parlait, ça n'a jamais fonctionné. Souvent, ils raccrochaient, comme tu disais, ils fermaient le billet. Elle était pas capable de rien faire. J'ai pogné une personne, on a été une heure ensemble, puis tout a bien fonctionné. Fait que Ouais. des fois, on dirait que ça dépend aussi de qui tu parles. Peut-être qu'il est un petit peu plus direct, là, tu sais, un peu plus. Ben non, mais il était super gentil, mais Ah c'était oui, OK. oh, on peut pas rien faire. C'était Puis vraiment fermé, là. ouais, ben c'est parce que lui il avait comme décidé que c'était pas un bug de progression par le jeu, que c'était un moi qui n'étais pas capable de faire le jeu. T'sais, lui il avait décidé ça. Mais moi, je me dis, ils sont pas cons à Blizzard, ils le savent, puis ils doivent savoir que le jeu il est brisé à cet endroit-là. Puis ils veulent juste pas. Puis dans mon billet, c'est ça que j'ai écrit. J'ai dit, c'est facile de voir dans mon compte. J'ai dit, tu sais, je joue à Overwatch, etc., etc. Puis ça aurait été quoi de me donner, je sais pas moi, des bonus dans Overwatch, Ouais, de me dans un autre donner, jeu. je sais pas moi, Diablo, whatever. C'est un vieux jeu, puis personne joue, là, puis qui vaut comme 20$, tu sais, ça aurait été. Mais, parce que, c'est juste un exemple, là. J'ai contacté, quand les Sims 4 sont sortis, en 2014. J'avais Jadis. ouais, j'avais acheté l'édition collector qui était uniquement disponible au Amazon. Puis moi, j'étais vraiment fâchée parce que je voulais l'acheter sur Internet pour pouvoir le jouer quand j'allais revenir de travailler. Mais là, je voulais l'édition sur Amazon, fait que j'avais payé, c'était 6$, puis j'étais supposée l'avoir la journée même, tu sais. Puis là, j'étais stressée, puis je voulais mon jeu la journée même, puis même, je trouvais ça, tu sais, en tout cas, là, je capotais. Aussi, fait intéressante, les Sims, là, quand t'achètes les Sims, c'est pas disponible à minuit. Oh Non, c'est disponible à midi non! ou Ah! Oh, un 11h le autre heure, matin. hein? Ouais. Genre d'ailleurs, là. Ouais, tu sais, comme nous autres, on est habitués, mettons, quand t'as un jeu, puis il est pré-téléchargé, puis là, t'attends genre à Oui, minuit, heure de là. l'Est! Ben, moi, ça m'est arrivé une première fois, puis ça marchait pas, là, parce que, dans le fond, les Sims, ça sort pas à minuit, ça sort en heure du Pacifique, là, je me souviens plus laquelle, mais ça sort le matin. Puis pour nous, ça équivaut à... En tout cas, là, je capotais. En tout cas, bref. Poser des questions dans les histoires, j'ai pas mon jeu. Ouais. En tout cas, fait que... ça pour dire que quand j'arrive de travailler, tu sais, là, j'appelle ma mère, j'ai dit « Merci, mon jeu. » Elle me dit « Oui. » Je dis « Ok, va ouvrir mon ordinateur, tu sais, je suis prête. » Là, j'arrive, puis c'était une édition collector, donc j'avais la bande sonore, j'avais un livre, j'avais une boîte, puis j'avais le CD que t'as le jeu, qui te sert à fuck all, parce que tu mets le CD, mais genre, faut-tu mettre le code de 38 chiffres, là, pareil. Ouais. Anyway, fait que c'est ça, mais ça marche pas. J'essaie d'ouvrir le jeu, ça me dit que ma clé, elle a déjà été... Utiliser comme. Ouais! Hey, là, je capote, tu sais. Puis là, je suis contente que Ça le... allait pas bien. Non, je suis contacte le service à la clientèle. Tout de suite, j'ai une réponse. Tout de suite, ils me règlent le problème. Ils me disent, puis c'est ça, j'ai trouvé pas cheveux parce qu'ils me disent, non, non, il n'y en a pas de problème. Puis ils disent, réessaye-toi. Fait que je vais me réessayer. Puis ça marchait. Mais j'ai vu que, dans le fond, ils ont été dans mon compte puis ils ont mis une nouvelle clé. Ils voulaient faire semblant que c'était pas de leur côté, puis que c'était toi qui Ouais. avais un petit Fait problème. qu'on dirait que les supports techniques dans les jeux, ils font ça beaucoup, essayer de montrer que ça vient, dans le fond, que c'est de nous, là. Parce que je dis rien, puis ils m'ont offert 25% de rabais sur un achat que je peux faire n'importe quand. Tu sais, puis là, je me dis, ah, ben OK, ben tu sais, c'est correct, là, dans le fond, tu sais, je suis comme pas dégoûtée de la compagnie parce que, ben, ils se sont occupés de moi, puis ils ont arrangé Ils ont su ça. quoi faire pour te faire sentir mieux, dans Ben, le fond, là. c'est ça. Fait que, tu sais, quand même que... Avec wow, j'aurais été déçue d'avoir dépensé 100 quelques piastres. Ben, si, maintenant, ils m'auraient offert d'autres trucs, des compensations, mais je m'aurais dit, OK, tu sais, c'est c'est correct. Tu sais, ils sont bons joueurs, puis ils s'occupent de leurs fans. Mais là, avec la truc que j'ai eu, oublie ça, là, genre, plus jamais. Là. Mauvaise expérience client, donc le client revient pas. Hein? Ben, totalement, totalement. Puis, juste pour terminer avec mon histoire de Electronic Arts, j'avais pris mes rabais pour m'acheter un jeu. Puis, genre, le jeu était disponible, je me sais même plus c'était quoi le jeu. Le jeu était disponible uniquement sur Mac. Fait que moi, je l'achète. Fait que moi, je l'achète d'origine, tu sais. Puis là, je suis pas capable de jouer, puis je comprends pas. Fait que là, la personne, elle me dit, c'est disponible juste pour Mac. Puis là, je suis comme, oh my god, je me sens tellement nanoune. J'ai dit, je peux te demander un remboursement, tu sais. Fait que là, la personne, elle me dit, ben oui. Fait que là, elle me rembourse, puis là, je vais l'acheter, genre. La bonne version. Ouais. Mais tu sais, je trouvais ça nono quand même, parce que c'est dans le store Origin. Il me semble qu'Origin pourrait détecter si on a un PC ou un Mac, là. Fait que je comprends pas pourquoi c'était comme disponible. Ouais. C'est comme sur Steam, c'est pas mal tout où est-ce qu'on achète nos jeux. C'est souvent nous qui doit manuellement choisir c'est quelle version. Ben c'est sûr, parce que mettons que j'aurais un ordinateur, mettons j'aurais un Mac à la maison, je pourrais avoir dans ma bibliothèque des jeux Mac puis des jeux PC. Ça fait du sens. Yep. Bon, ceci conclut le jeu que je n'ai pas joué cette semaine. Tu n'as pas réussi. Ouais, ben, malgré tous mes efforts. Malgré tous mes efforts, malheureusement. Sinon, on va parler des jeux du mois. Dans le fond, des jeux qui vont sortir au mois de novembre. On est quand même rendu le 13, honnêtement. Là. Mais okay, on va parler de ceux sortis, de ceux qui vont sortir. Pour commencer, il y a les Sims 4 qui ont sorti une expansion qui s'appelle Vie citadine en français, qui est disponible uniquement sur PC dans Origin. Je dis uniquement Origin, non. Vous pouvez aller, exemple, au Best Buy puis acheter l'expansion, mais... c'est parce que moi, c'est ce que j'ai... c'est ce que mes proches m'ont fait les années passées. Ben, l'année passée, je pense à ma fête ou quelque chose. J'avais les expansions, puis... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai ma mère qui se déplace au magasin, puis tout. Puis là, je rouvre la boîte. C'est une boîte, là, comme un DVD, tout. Puis t'as comme une carte, tout croche, là, qui traîne, avec le code. Fait que moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... Tu sais, mettons, tu sais, des cartes, là, des cartes, là, voyons, fidélité, des choses comme ça. Mm-hmm. Tu sais, tu vas dans les magasins, tu peux acheter une carte Steam ou tu peux acheter... Tu sais, ils devraient faire ça, là. Mais anyway, fait que c'est ça, j'ai trouvé ça décevant. Fait que, puis moi je conseille, c'était le même avant, mais ça l'est plus, là, mais en plus, avec Origin, si je me dis, tu sais, on achète tout dans Origin, puis on sauve les taxes en plus. Fait que... Ça vaut la peine, comme le PlayStation Store, là. Ouais, PlayStation Store. Avec Xbox, c'est juste pour savoir, est-ce qu'ils payent les taxes? Est-ce qu'ils chargent? Une. Non, il y en a une, OK. La fédérale, la plus petite. Je me demande hein, pourquoi ils en font. Il y a certaines compagnies qui la chargent, puis d'autres que non. C'est parce que, dans le fond, Xbox est une compagnie qui n'a pas juste des jeux vidéo. C'est une compagnie qui a elle a le même store pour les jeux vidéo, les consoles, les ordinateurs, puis tout ça. Et Sony aussi, non? Non. Avec les télés, etc.? Non. Sony, c'est tout séparé. Comme là, Sony au Canada a fermé ses télés, puis ses livres électroniques. Mais ça touche pas le reste. Sony, c'est vraiment des compagnies différentes, mais pas Microsoft, dans le fond. Fait que, vu qu'ils ont la même interface, ben, ils peuvent pas... Mais de toute façon, ça a l'air que c'est une question de temps, d'un point de vue économique, là. C'est comme quand on achète des trucs... moi, j'achète beaucoup de trucs pour la maison sur Amazon, parce que je suis Amazon Prime. Puis j'ai acheté une robe de chambre. Ben... c'était sur Amazon Prime, dans le fond, de Amazon d'ordinateur. Ça venait des États-Unis, fait que j'ai pas payé aucune taxe. Tu vas-tu payer des douanes? Non. J'ai pas payé de douane non plus, rien. Parce que, dans le fond, c'est Amazon qui me le vend, parce que ça appartient à Amazon, parce que, dans le fond, moi, vu que je suis Prime, Amazon va me suggérer des produits de lui en premier. Puis moi, ça fait mon affaire, parce que, tu sais, j'ai pas de shipping, j'ai pas rien. Puis c'est ça. Puis là, vu que lui, le produit qu'il me propose, il appartient, mais il est américain, il peut pas me demander des taxes. Donc, c'est donnant-donnant, dans le fond. Ouais, ben c'est ça. Puis quand je vais acheter des produits, comme mettons des jeux vidéo, ben c'est sûr qu'Amazon va posséder des jeux vidéo américains, mais il va me vendre ses jeux vidéo canadiens, puis ça, c'est normal. Ben c'est ça, ça va être sur leur priorité. Excusez, ouais, puis à ce moment-là, je vais payer les deux taxes. OK. Ben en fait, non. Je paye une taxe sur les biens et services, puis je paye la taxe fédérale. C'est bizarre. Correct. Ouais. Au moins, merci de cette petite explication. Ouais. Après ça, ah oui, ça c'est sorti le 1er novembre. Puis le 1er novembre, il y a également Pac-Man Championship Edition 2 Arkham Game City Series. City. PlayStation 4 et Xbox One qui est sorti. Je sais pas si toi ça t'intéresse les Pac-Man. Pas nécessairement, non. Non. Le seul Pac-Man qui pourrait m'intéresser, c'est vraiment celui qui est le old school que tu veux pas jouer dans l'arcade, là. Mais sinon, pas plus qu'il faut, là. Non, c'est ça. Puis moi, je verrais peut-être plus ça comme un jeu de mobile, cellulaire. Peut-être, ouais, bonne idée. Ça, c'est vrai que ça pourrait être peut-être un peu plus... Ouais. Après moi, ça pognerait plus. Ouais, mon avis aussi. Je sais pas ça, peut-être qu'il y en a plusieurs aussi qui l'ont puis qui aiment ça, mais... Ouais. C'est quelle version aussi du Championship, celle-là? J'ai aucune idée. C'est écrit Arcade Game Series, donc j'imagine que c'est vraiment celui qui est plus ça. Ouais, c'est peut-être un espèce de remaster de qu'est-ce qu'on est habitué. Ouais, ça a l'air... je regarde les images, ça a l'air d'être assez... Ouais. OK, pas mon genre. Excusez. Sinon, le 4 novembre, il y a Call of Duty... Infinite Warfare qui sort sur PC, PlayStation 4, Xbox One. Toi, étant une fan de Call of Duty, est-ce que tu partages l'idée de tout le monde que c'est pas un Call of Duty? Ben, en effet, moi, ça, je trouve ça dommage parce que je te dirais que depuis Modern Warfare 3, je les achète à chaque année. Puis on dirait que c'est la seule année que je vote un peu plus pour Battlefield. J'aimais beaucoup l'option, j'aime beaucoup le fait que c'est beaucoup plus arcade selon moi. Selon mes goûts à moi, que Battlefield qui est plus réaliste avec des tanks, etc. Puis on s'entend que sur Call of Duty, tu peux faire apparaître des chiens sur un bateau out of nowhere, en tout cas. Très utile. Mais on dirait que j'aime moins le fait que... Ils disent que c'est futuriste, oui, mais tu sais, il y a quand même encore le jetpack. Je trouve que ça ressemble beaucoup trop à l'ancien. Sinon, il paraîtrait que la campagne solo est excellente. Ben, excellente. Elle est quand même bonne. Sauf que moi, personnellement, quand je joue à Call of Duty, c'est vraiment pour jouer en ligne avec mes amis et moins pour la campagne. Je ne l'ai pas suivi, donc je sais pas si c'est une continuation des anciennes. Fait qu'en tout cas, je ne l'ai pas essayé puis je pense pas l'essayer non plus. Ben, moi, de les images que j'ai vues étant une admiratrice de Halo, ben, je regardais ça puis je me disais, OK, j'ai goût d'aller jouer à Halo. T'sais? Ben, c'est ça. Fait que... C'est beaucoup plus futuriste. Ouais. Toujours le 4 novembre, il y a Dead Age. Il y a Dead Age sur PC, c'est ça? Ben, moi, je l'ai vu sur PC, sur Steam. C'est un jeu qui m'intéressait quand même un peu parce que je trouvais intéressant de rajouter une option. Ben, moi, j'aime beaucoup. Je sais que les gens disent qu'il y en a trop, mais j'aime beaucoup les zombies dans les jeux vidéo, les infectés, etc. Sauf que celui-là, il est différent des autres parce que ça va être un peu plus tour par tour du style à la Final Fantasy. Il faut vraiment essayer de survivre dans un environnement où est-ce qu'il y a des zombies. Puis je crois, si je me trompe pas, qu'il y a des choix. Je l'ai pas essayé, mais il était vraiment proposé sur Steam en tant que jeu les plus... dans les plus populaires. Bon, mais tant mieux. Puis aussi, le 4 novembre, il y a Mario Party Rush... Star Rush qui sort à la 3DS. Moi, je l'ai vu sur... dans le fond, il m'a comme popé en publicité sur ma Wii U puis tout ça. Puis vraiment, là, je trouve tellement qu'il a l'air intéressant, là. Ah oui? Plus que les autres? Ouais, ben, c'est un Mario Party sur la 3DS. Ils en ont pas sorti des tonnes. Non, c'est vrai, j'en avais un, mais... Moi, honnêtement, le Mario Party que je me souviens, c'est celui-là qui était au Nintendo 64 dans le temps. Tu sais, quand on se ramassait avec nos amis, là, puis qu'on jouait tout ensemble, avec la corde à danser qui était en feu, puis que... Là, il y a... Où par exemple, les petits jeux où est-ce qu'il y avait des couleurs qui descendent, puis là, t'étais tellement fâché après tes amis quand ils volaient ton étoile. Tu sais, des enfants comme ça, là. Je m'ennuie de tout ça. Je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est avec l'âge, si c'est une question d'âge, ou si c'est une question... du jeu en tant que tel avec le fait qu'il a vieilli. Est-ce que... Je me demande si les jeunes d'aujourd'hui ont autant de fun que nous dans le temps avec ce jeu. Non, parce que... Ben, en fait, ben, juste pour terminer sur le Mario Party au 3DS, il a plus l'air à être un rassemblement de mini-games pour jouer tout seul. Fait que ça, c'est intéressant. Tu peux quand même jouer avec des amis, là, puis qui n'ont pas besoin d'acheter le jeu. Mais... Je pense qu'ils ont priorisé le single player. Oui. Tu sais, mettons, tu cherches plein de minigames pour passer le temps, là. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. C'est ça qui m'attire. Sinon, pour ce qui est des Mario Party qu'on connaît sur des grosses consoles, moi, ça me rappelle le Animal Crossing Amiibo Festival. Ah, ça, c'est... Est-ce que tu trouvais ça trop facile? Ben, pas facile, c'est qu'il n'y avait rien à faire. Dans le fond, Oh. tu fais juste mettre ton amiibo, puis tu regardes ton amiibo avancer, puis reculer, avoir des scènes, perdre des scènes. Il y Dans le fond, tu a. fais juste tourner, tirer un dé, là. Ouais, puis je pense que c'est japonais. Je pense que c'est les Japonais qui préfèrent cette méthode de jouer-là. Et ça doit. Ils doivent trouver ça zen ou je sais pas quoi, parce que. Les Mario Party sont rendus comme ça aussi, je trouve. Puis là, je me disais, ah, ben, tu sais, ils ont peut-être moins cerné, ils ont peut-être moins eu d'inspiration, ou ils ont peut-être voulu essayer quelque chose, puis tu sais, ça pogne pas. Mais ils continuent dans cette voie-là, puis c'est quelque chose qui pogne pas en Amérique, mais je pense que ça doit pogner beaucoup en Asie. Donc, c'est pour ça qu'ils continuent à faire ça. Ça doit être une façon, là, on n'a pas la même définition, le party en Occident et en Orient, je pense. Mais ça aussi, c'est à savoir si est-ce que le jeu en tant que tel est plus populaire en Amérique ou en Asie? Bien, sûrement parce qu'ils continuent à en faire. Puis le focus principal de Nintendo a toujours été le marché asiatique. Ça n'a jamais été l'Amérique. Puis ça, ils l'ont toujours dit. Donc, tu sais, moi, je me dis, dans le fond, c'est juste pas pour nous. C'est pour ça qu'il y a certains jeux aussi qui vont sortir juste au Japon, parce que là, les autres, ils vont dire, ça pognera pas en Amérique. Puis là, des fois, il y a des pétitions qui se font en Amérique. Puis là, ils nous. Le Ben veut! oui, puis là, ça fonctionne. Fait que, tu sais, puis les Mario Party, ils ont juste pris une direction différente. Puis, tu sais, je les vois pas non plus arrêter de distribuer le Mario Party en Amérique, là, ça serait niaiseux. Je pense qu'il y aurait des gens qui seraient fâchés. Ouais, ben il y a ça. Fait que moi, je pense que c'est juste une direction artistique qui est prise, qui ne plaît pas à l'Occident, mais qui vous doit faire très bien en Orient. Donc, c'est pour ça qu'il continue. Sinon, le 8 novembre, il y a eu Small Radio Big Television. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi, honnêtement. Sur PC PlayStation 4, c'est quand même une exclusivité. Il y a Robinson The Journey sur PlayStation 4 uniquement. Il y a Eagle Fly sur PlayStation 4, qui est un truc quand même assez, que j'ai vu quand même assez attendu, là, que EB Games a fait la promotion, etc., etc. Et il y a également Harvest Moon Skytree Village. Parle-nous-en, Katlas. Parle-nous du mot Harvest Moon. Ouais. Ben, Harvest Moon, ils ont. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé avec Harvest Moon? C'est que l'équipe de base de Harvest Moon, ils se sont fait imposer des choix. En tout cas, il y a eu une dispute. Puis les créateurs originaux sont partis. Puis ils ont décidé de sortir leur propre jeu qui s'appelle Story of Season. OK. Il y en a déjà un de sorti jusqu'à maintenant, puis le prochain est prévu pour février. Puis l'équipe qui a resté dans le fond de Harvest Moon, c'est plus l'équipe de Harvest Moon, dans le fond, c'est une autre équipe. La petite Ouais, ben, dans le fond, l'équipe qui sont partis ont fondé ou ils ont rejoint Exceed, qui s'appelle. Puis là, Natsume ne compte plus parmi eux les gens de. Principaux de Harvest Moon. Donc, puis là, Harvest Moon s'est rendu quelque chose que le visuel a totalement changé. Donc, trop si. enfantin, hein? Non, mais c'est le contraire. C'est rendu. Ben, c'est rendu. En fait, c'est juste rendu laid, honnêtement. C'est rendu un espèce de jeu en 2D, puis c'est vraiment pas beau. Puis le visuel qu'on était habitué des Harvest Moon, mettons PlayStation 1 ou tout ça dans le temps, on va le retrouver avec Exceed et Story of Season. Donc, la majorité des fans de première date des Harvest Moon ont abandonné la franchise pour se Ouais. concentrer sur les Story of Season. Les Ou même Harvest. les Rune Factory. Ouais, les Rune Factory, c'est les mêmes aussi. Ça, c'est la même gang encore, c'est Exceed, puis tout ça. Puis, mais pour ce qui est des Harvest Moon, l'équipe qui s'en occupe, c'est plus pantoute ça. Puis, c'est rendu un espèce de jeu en 2D, très rudimentaire, très. On dirait que le jeu n'est pas fini de se faire développer encore, puis qu'il n'y a pas eu de peaufinage, puis tout ça. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses que la sortie du jeu Stardew Valley par une personne qui est out of nowhere, qui arrive sur le marché puis qui sort son jeu, a donné un coup à Harvest Moon? Non, non, non, parce que le groupe avait déjà quitté ben avant ça. Puis Stardew Valley, dans le fond, c'est quand même un jeu de PC, puis qui est quand même limité. Donc, c'est Ben c'est différent. drôle. J'ai préféré Stardew que les récents Harvest Moon. C'est fou, hein? Ouais, ben c'est ça justement. Mais tu sais, ça t'empêche pas de jouer à Harvest Moon non plus. On Ben, on dirait. dirait que je suis déçue maintenant, je m'en Harvest Moon. Parce Ah, que ok. je m'ennuie personnellement des anciens Harvest Moon, celui qui était sur le Nintendo 64, celui qui était sur le Super Nintendo, un des premiers, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Sauf que maintenant, j'aime moins ça qu'avant. Comme tu dis, premièrement, le visuel est différent, qui est moins avantageux selon moi, selon Ouais. mes goûts. Puis pas juste ça, on dirait que j'ai beaucoup aimé le fait que tout ce que j'aime dans un Harvest Moon, c'est tout retrouvé dans Stardew Valley. J'aime beaucoup le 2D, j'aime le fait que tu peux te marier, que tu peux avancer ta ferme, que tu peux même aller, tu sais, te battre dans des grottes. Tout est là, parce que je trouve que Rune Factory, c'est le fun, oui, mais c'est peut-être un peu trop centré sur le combat, selon moi, encore une Ouais. fois, que ce que j'aurais aimé. Harvest Moon, c'est beaucoup ta ferme, ta ferme, ta ferme, tandis que ça ici... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est encore une fois une histoire que dans ta famille, t'as hérité de la ferme, etc., etc. Mais on dirait que ça m'a plus. C'est venu combler les besoins que j'avais d'un nouveau Harvest Moon comme dans l'ancien temps. Ouais, ben, c'est justement, si tu vas t'essayer dans les Story of Season, tu vas retrouver les Harvest Moon dans l'Ancien Je n'ai Dieu. jamais essayé celle-là. C'est ça, puis c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait, puis il y a une esthétique qui est propre, puis tout ça, fait que tu vas vraiment le retrouver. Moi qui joue à tout, j'ai vu Stardew comme un beau complément. Il y a aussi le fait que c'est sur PC, donc, puis un Harvest Moon, c'est le fun, là, tu joues Evasham un petit peu partout, là. Mais c'est ça, parce que principalement, là, Harvest Moon, le choix qui a été fait, c'était de le fait de pouvoir gérer, puis de pouvoir déplacer tes terres à cultiver comme tu veux, là. Qu'est-ce qui est un peu à la Minecraft, là. Puis c'est pas au détriment du visuel, puis de tout le reste. Puis justement, je pense que là, dans Story of Season, tu peux faire du crafting un petit peu. Tu peux, tu sais, t'as des choses comme ça. Fait que, puis les gens, comme je dis, ont vraiment comme tout switché là, pour Story of Season. Fait que. Donc, les classiques, ceux qui tripaient sur les anciens Harvest Moon du temps, sont tous rendus sur le Oracle of Season. Puis les nouveaux, ouais, c'est les Harvest Moon, puis c'est eux qui vont voir Ouais, si ben ça peut-être vaut que le coup. ça va attirer, tu sais, je sais pas. Puis tu sais, Harvest Moon, ils ont aussi fait le saut sur mobile. Sur mobile, je trouve ça bien. Tu sais, c'est pas beau, là, c'est carré, c'est très à la Minecraft. Pixelisé! Puis, mais sur mobile, c'est correct. Puis ça se fait bien, mais tu sais, sur mobile, j'allais acheter le jeu, là, 20$, un jeu sur mobile, là. C'est rare. Tu sais, c'est intense, là. Donc, Mais c'est parce qu'en plus, sur mobile, tu t'attends à ça que ce soit pas aussi découpé que sur console. ben, il y a ça, puis même je trouve que le jeu sur mobile est plus beau que le jeu sur 3DS. Peut-être un T'sais, problème. ben, tu sais, c'est ça, parce que moi, j'ai acheté, moi, j'adorais mon Harvest Moon, j'ai été m'acheter le Harvest Moon d'après, le premier, dans le fond, qu'ils ont fait, qu'ils ont changé de direction, puis j'ai joué 1 heure, puis je l'ai vendu, là. Ça veut tout dire. Ouais, c'était... En tout cas. Mais je vous invite à aller faire votre propre opinion. Allez le tester, puis donne-nous-en des nouvelles. Ouais. Sinon, le 10 novembre, il y a eu la sortie de Dishonored, Dishonored 2 sur PC, Xbox One, PlayStation 4. Un super de beau jeu que Oh, malheureusement, toi. je ne peux pas jouer parce que je suis zéro pile bord dans l'art du stealth. Puis on voit aussi beaucoup l'annonce présentement à la télé, hein. C'est rare Oui! les annonces de jeux, j'en vois pas tellement, puis celle-là, on dirait que c'est celle-là qui m'a plus marqué. J'ai bien aimé. Ouais, puis c'est beau, le visuel il est très beau, Ouais. c'est très français, steampunk et tout là, fait que puis tout le monde a les cheveux noirs, c'est vraiment drôle. J'ai pas remarqué parce que j'ai Ouais. regardé un peu rapidement tantôt Dance Game et joué, sauf que j'ai pas arrêté. Ouais, ben moi j'ai vu un gameplay quand même, puis le gameplay du début surtout là qui était dans toutes les publicités, puis j'ai vu vraiment un gameplay de quelqu'un, puis non, c'est vraiment le fun. C'est quelque chose que j'aimerais voir un streamer jouer à long terme, même que moi, tu sais, je jouerais pas. Tu jouerais pas personnellement. Non. Ensuite, le 15 novembre, il va avoir la sortie. Ben, il y a plusieurs sorties, en fait. Celle-là de Watch Dogs 2 au PlayStation 4 et Xbox One, qui a causé quand même... Tout le monde était étonné qu'ils sortent un Watch Dogs 2 puisque le 1 n'a pas été très succès... pas été très populaire, J'avais bien apprécié, mais j'aimais pas la conduite. La conduite, là. là. Ouais, ben la conduite avec dans les jeux de Ubisoft... Ça fait pitié un peu, je te dirais. C'est... Mais On il est paraît loin... qu'ils ont travaillé dessus. On est loin de GTA. Ensuite, il y a Assassin's Creed Ezio Collection au PlayStation 4 et Xbox One. J'ai une question. Ouais. Tu préfères Ezio ou Altaïr? Je le sais pas, le seul Assassin's Creed que j'ai joué, c'est Syndicate, puis ils sont pas dedans. Moi, mon préféré, c'est... J'aime beaucoup Altaïr parce qu'il était beaucoup plus genre négatif. Pas négatif, je sais pas comment dire, il était comme bad boy. Tandis Ok. qu'Ezio, il était comme un peu coureur de jupons, un peu plus... Ouais, un peu plus italien. Ouais, c'est en plein ça. Je Tu sais, il y a ça, hein? On pense peut, que il c'est un peut pas point. se... il peut pas se... Il peut pas se... Voyons, comment qu'on dit, là? Il peut pas Non, rejeter n'empêche. La sa vraie... génétique, là. Ouais. Quand même, quand même. Par exemple, moi, ça m'intéresse parce que... Mais là, j'ai trop de jeux à jouer pour le moment. J'ai pas de fond non plus, là. Peut-être dans le futur, mais moi, c'est un jeu qui, quand même, qui m'intéresse parce que, comme j'ai dit, j'ai pas joué aux autres Assassin's Creed. Fait que ça serait une belle façon de découvrir Ezio. Fait que ça m'intéresse. Il y a aussi Overcooked Gourmet Edition au PlayStation 4 et Xbox One. Je sais pas c'est quoi la Non, je sais différence avec le Gourmet Edition puis l'édition normale. pas. Du gourmet, il y a peut-être des mèches beaucoup fancy. Peut-être, mais moi ça m'intéresse parce que c'est un jeu que je trouve tellement drôle de voir dans les streams, dans les vidéos YouTube. Fait que je suis vraiment contente qu'il continue. Je sais pas si je l'ai. Je pense que je l'ai dans ma bibliothèque de jeux. Tu devrais y jouer. Tu devrais faire un petit let's play une fois. Ensuite, le 18 novembre, il va y avoir Killing Floor 2 sur PC et PlayStation 4. Ça, j'y ai joué sur Steam quand il était en bêta. Il va y avoir également Pokémon Sun et Pokémon Moon de Nintendo. Et pour l'occasion, Nintendo a sorti deux consoles, New 3DS, les régulières et non les XL, les régulières, qui sont très Ouais. belles, une blanche, une noire, puis en plus, sont à un prix spécial de 140 $. Ouais, pour le, je pense que c'est seulement pour le boxing, pour Le le Black Black Friday, Friday, ouais, hein? ouais. Puis ça s'applique pas. Ben, en tout cas, j'ai pas eu d'informations supplémentaires à savoir si ça s'appliquait là, aux autres là, consoles, mais à date, c'est juste le rabais est juste sur ces consoles-là. Moi, ça m'a un peu déçu parce que ce qui m'aurait intéressé, c'est si je passais d'une nouvelle console à une autre, c'est vraiment d'y aller pour du X large, tant que ça. Je sais qu'il y a l'option qui est de plus, c'est comme tu disais, quand tu veux utiliser, par exemple, des amiibo, ben au moins t'es pas obligé de connecter ta petite machine comme Ouais. ceux-là avec les nouvelles, mais tant qu'à ça, il me semble. Tant qu'acheter une nouvelle console, j'irais peut-être payer 20 $ de plus, mais pour avoir la XL. Ben, c'est pour les deux comparaisons, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils ont sensiblement la même grandeur d'écran. Fait que c'est pas une question d'écran. C'est que la régulière est beaucoup plus épaisse. Parce que la mienne, là, c'est là que j'ai la première de toutes, là, puis elle est vraiment fucking petite comparée aux grosses, là. Ouais, ben Comparée aux oui. Mais si tu XL, compares les deux nouvelles, là, la nouvelle régulière et la nouvelle grande, c'est qu'elle est beaucoup plus épaisse. Elle est construite différemment. Fait que pour garder les mêmes, sensiblement les mêmes écrans, ils ont été remis dans une plus épaisse. Puis c'est ça qui me. C'est juste pour l'épaisseur qui m'a fait prendre la XL de mon côté. Mais tu sais, j'en regrette parce qu'au Canada, on a eu la régulière de Animal Crossing. ouais, avec les beaux petits dessins. Oui, puis qui était C'était tellement blanche belle. avec des petits, ouais. Ouais, puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que les régulières, tu peux changer la couverture en métal. Ouais, puis les autres, on peut pas. C'est plus Non. difficile à trouver, hein? Oui, ben justement, là, ils commencent à sortir, là, les protecteurs pour les XL. Ça commence juste, puis c'est très rare, là. Sinon, il y a Star Wars Battlefront Ultimate Edition PlayStation 4 Xbox One. Moi, je suis un peu mêlée là, dans les jeux de Star Wars, là, il y en a tellement. Moi, je les ai pas joués personnellement. Moi non plus. Le 22 novembre, il va y avoir Darksiders War Master Red, jeu de mots, édition PlayStation 4, Xbox One et Wii Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, hein, la nouveauté. U! Eh oui, justement, la Wii U qui a été annoncée qui cessait la production à Noël, je pense. Avec la Nintendo Switch aussi, Ouais, là, qui qui va arrive. s'en venir, dans le fond. Toujours le 22 novembre, il y a We Sing, PlayStation 4, Xbox One. Je pense que ça doit être un truc de karaoké. Ensuite, il y a Amnesia Collection, PlayStation 4. Ça, je sais pas Honnêtement, si... ça m'intéresse un peu, moi. Ouais! Ouais, est-ce Ça que a t'as déjà joué l'air... à Amnesia? Non. Ben, c'est un jeu vraiment d'horreur, ok? Ben, C'est c'est ça. comme dans un château où est-ce que t'as comme perdu la mémoire, puis là, il y a des trucs qui apparaissent, puis faut que tu te caches dans des armoires parce qu'il y a des bébêtes qui te courent après de temps en temps, puis c'est stressant, là. Ok. J'ai joué au premier, mais j'ai pas joué au deuxième, puis celui-là vient avec les deux, donc c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Ah, ben oui, c'est le fun. Ben, ça permet de redécouvrir, dans le fond. J'avais pas fini. Le 24 novembre, on a Super Red Hot Hero. J'espère que c'est peut-être un jeu sur les Red Hot Chili Peppers, non? Espérons, mais je pense pas. C'est sur PC uniquement. Ashborn PC également. Le 28 novembre, c'est là que Watch Dogs 2 sur PC sort. Quasiment un mois plus tard. Hein. Il ouais. y a A King's Tale Final Fantasy 15 sur PlayStation 4 Xbox One. Hey, ça, c'est Final Fantasy qui écrit ses titres en chiffres romains, c'est pas de ma faute. On n'a pas appris ça. Moi, j'ai pas appris ça à l'école. Non, moi, c'est ma maman qui me l'a montré. Moi, je l'ai précommandé. Mon premier Final Fantasy à vie. Ce sera une belle découverte que j'avais streamée. Je vais être super contente. Ça va être le fun. Moi, celui-là que j'ai joué, c'était un des premiers au Game Boy. Game Boy Color. Puis, l'autre que j'ai joué, c'est Final Fantasy Tactic Advance. Mais c'est comme pas dans l'histoire de Final Fantasy, le Tactic Advance. Ah, mais là, t'as peu, là. Il y a The Crew aussi qui sort PC, PlayStation 4, Xbox One. Mais là, le 29 novembre, dans le fond, c'est là que Final Fantasy sort. Mais c'est à King's Tale. Je sais pas c'est quoi, d'abord. Moi, je les connais pas assez pour ça. Ouais. Je suis beaucoup plus dans les jeux horreur, je trouve tort, etc. Final Fantasy, moi, personnellement, j'ai plus de difficultés avec les jeux qui sont plus tour par tour. Surtout qu'ils sont rendus assez loin dans l'univers. Je connais pas beaucoup les personnages, à part Cloud, à part ouais. Vincent Valentine, etc. Je les connais à cause aussi beaucoup des films, mais pas... Mais je pense que à King's Tale, c'est l'édition, le gros Deluxe Collector là, qui vaut 500$. Je pense que les gens qui s'en sont procurés ont le luxe de l'avoir 24 heures d'avance. L'avantage. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce qui conclut les sorties pour le mois de novembre dans les jeux vidéo. Je tiens à préciser également que cette liste-là, on était la chercher chez Multijoueur, qui est un site web de jeux vidéo québécois également. Donc on vous encourage à aller les voir un petit peu. La liste était vraiment énorme, vraiment exhaustive. C'est vraiment une sélection qu'on a faite là, pour quand même réduire ça un petit peu. Là. On était avec les principaux qui sont ouais. peut-être un peu plus connus avec les gens. Là. Ce que les gens pourraient un peu plus se reconnaître, ce qui serait peut-être un peu plus acheté. C'est sûr qu'il y a des jeux indie, etc., qu'on a laissé passer, parce que là, si on parle de tout des jeux... On pourrait faire un podcast juste pour les sorties, en fait, là. Donc, voilà. Puis là, on est rendu à notre super chronique de critique de jeux! Fait que, yeah. Ben, de critique geek, en fait. Fait que là, c'est notre segment où on parle d'un item, de quelque chose de geek... qui a retenu notre attention tout au cours du mois. Donc, toi? Moi, dans le fond, je voulais parler de la série Walking Dead, parce qu'on s'entend que ça l'a beaucoup fait jaser ce mois-ci. Ben, ça fait toujours jaser. Moi, je suis pas ça, je connais pas ça pantoute. Oui! Mais j'en entends tellement parler, là. Oui, ça en fait. Beaucoup de gens en parlent, sauf que ce mois-ci, c'était la nouveauté, c'est-à-dire ça faisait, c'était terminé. Là, on recommençait la saison avec un gros punch. C'est vraiment quelque chose qui était beaucoup attendu auprès des gens. Ce que je voulais aussi dire à propos de cette série-là, c'est que présentement, ce que les gens ont remarqué, c'est que ce qui est intéressant, c'est que oui, ça ressemble beaucoup à la bande dessinée. Par contre, il y a certains petits trucs qui changent, qui diffèrent. Donc, même si les gens ont écouté la bande, ont lu la bande dessinée, ça ne va pas influencer... Ben, des fois, ça l'influence les morts, des fois non. Même certains personnages comme Daryl, qui ne devaient même pas exister dans la bande dessinée, des fois, on croit même qu'ils pourraient remplacer un autre personnage qui est dans la série... En tout cas, okay. Son destin pourrait être changé comme un des personnages qu'il y avait dans la bande dessinée. En tout cas, je veux pas spoiler, mais c'est difficile de parler de la série en tant que telle sans spoiler. Sauf que là, présentement, où est-ce qu'on est rendu environ, c'est que il y a vraiment un... D'après moi, ça va être de plus en plus dark, de plus en plus négatif, mais pas juste auprès des zombies. Ce qu'on voyait jusqu'à maintenant, c'est que oui, c'était vraiment une infection, qu'est-ce qui s'était passé, il y avait une maladie, blablabla, blablabla. Puis plus que ça avance, plus qu'on se tourne vers... ce qui est négatif, ce qui est triste, qu'est-ce qui est... Le premier ennemi, qu'on pourrait dire, qui est l'humain. Fait que c'est vraiment, les gens essaient de se faire des camps, essaient de survivre, c'est un peu plus... je dirais, c'est pas juste un zombie qui arrive qui va déchirer ton bras, c'est qu'il faut faire aussi attention aux humains, parce que les humains, c'est ratoureux, des fois, ils nous disent des choses. OK, fait que c'est plus politique maintenant, c'est ça? Ben, il y a aussi encore beaucoup de zombies, mais comme je te dis, maintenant, il y a environ trois épisodes, quatre épisodes de sortie cette semaine, ben ce soir. Ouais. Fait que c'est vraiment beaucoup plus porté, je te dirais, sur, comme tu dis, la politique en tant que telle. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter l'épisode de ce soir parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire avec certains personnages que je peux pas nommer de nom parce que si je nomme des personnages, ben là, vous allez savoir qu'ils sont peut-être pas morts, qu'ils sont peut-être morts. Puis surtout que Ouais. ce soir, c'est un épisode spécial 90 minutes, il paraît. Donc, Oh. j'ai Oh. hâte de voir ça. Ben oui. Puis là, ben, on rappelle là, aux gens qui nous écoutent peut-être en différé là, qu'on est le 13 novembre, on est un dimanche. Donc, ouais, c'est. Ben, en tout cas, mais c'est le fun parce que moi, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout comme série télé, mais au moins, j'accorde le fait qu'ils sont capables de garder leur public. Tu sais, de le tenir en haleine. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça, c'est quelque chose que. Oui. Ce qui me fait rire aussi beaucoup, c'est que les gens ont chialé que c'était beaucoup trop sanglant, beaucoup trop gore. C'était le premier épisode de la saison. Mais les gens qui ont chialé là-dessus ont sûrement pas lu la bande dessinée parce que c'est, je te dirais, le double puis le triple pire, là. Ouais, ben, moi, je trouve que. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse comme série, mais j'ai vu, j'en ai écouté un petit peu, puis de ce que j'ai vu, là, pour moi, ça fit, là. Tu sais, c'est pas. Il y en a pas de trop, puis il y en a pas assez. On s'entend que quand t'es dans un monde où est-ce qu'il y a plein de zombies, c'est pas le monde qui est rose, là. Hein? Non. Tu peux te faire tuer n'importe quel temps, faut essayer de survivre. Qui est-ce que tu trustes? Qui est-ce que tu fais confiance? Qui est-ce que ci? Qui est-ce que ça? Les relations avec les personnes que t'as, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup plus pesant comme univers que si tu veux écouter, je sais pas moi, comme présentement j'écoute The 70 Show, là, qui est beaucoup plus drôle, qui est beaucoup plus... C'est deux types différents. Là. Je m'attendais à ce qu'il y ait du gore, mais je suis encore plus heureux cette saison-ci. Bon, mais tant mieux. Yes. Puis, moi, je vais parler de la nouvelle expansion des Sims 4, La vie citadine. Puis, avant ça, avant de faire ma super grosse critique exhaustive, je voulais parler que moi, je suis une très grande fan des Sims. Puis, j'ai été, dans le fond, j'ai été habituée avec les Sims 3 que quand on achetait un contenu, que ce soit un pack d'accessoires ou de vêtements, ou que c'était vraiment un DLC, on était vraiment choyés. Le DLC, entre autres, il venait avec son DLC qui était très long à jouer puis à explorer. On avait gros du contenu, puis ça venait avec plein de vêtements, plein de cheveux, plein d'accessoires. Super le fun. Les Sims 4, c'est totalement différent. Il a été repensé pour qu'il soit plus facile à jouer sur les PC parce que c'est. Moi, là, j'ai les Sims 3 au complet avec tous les DLC puis les expansions. Puis ça, c'est plus demandant sur ma carte graphique que jouer à Witcher 3, là. My God, c'est vraiment côté graphique. Peut-être aussi avec l'expansion, c'est plus Ben, grand. c'est ça l'affaire, c'est que le jeu de base, il est correct à runner. Mais si tu es un fan puis tu achètes tous les contenus, après. Tu sais, les Sims 3, là, ça a été sorti en 2009, puis ça a été terminé en 2013, en 2014. Ça a été populaire vraiment longtemps aussi, là. On s'entend Oui. qu'avec les add-ons anyways qu'on peut rajouter, qu'on peut avoir des plus beaux visages, des plus belles peaux, etc. Il y a Ben, toujours un continuel amélioration, là. c'est ça. Fait que quand tu commences le jeu au début, avec aucun DLC, puis 5 chandails, puis 2 pantalons, quand t'es Ouais. rendu en 2014, puis que t'as des centaines de vêtements, puis que tu as une vingtaine de DLC d'installés et que tu runs à chaque jour. C'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant, mais c'est très lourd. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai un gros PC, donc moi, j'étais contente avec ça. Fait que je peux comprendre le choix qu'ils ont fait de rendre le jeu plus accessible, parce que là, ça avait plus de bon sens, parce que la majorité des fans des Sims, ça va être des joueurs très occasionnels qui ne jouent à aucun jeu vidéo, sauf les Sims, là, tu sais. Donc, c'est pas des gens qui vont vouloir investir dans un gros ordinateur. Fait qu'ils se ramassent à jouer avec une qualité qui est pas idéale, là, puis des choses comme ça. Fait que c'était pas. Fait que je peux comprendre le choix qu'ils ont fait. Par exemple, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils devraient quand même donner du contenu pour les gens par choix qui y vont. Parce que là, j'en suis à ma quatrième expansion des Sims 4. Le contenu est très limité, mais il faut être capable de s'adapter puis de comprendre que la nouvelle optique. Fait, mais c'est quand même décevant. J'ai l'expansion des carrières qui donne uniquement 3 carrières. C'est quoi les nouvelles carrières? Détective, médecin et scientifique. Nice, détective, ce serait lui que j'irais. Je pense que Ben, j'irais ouais, c'est lui que celui-là. j'ai fait, en fait. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je Je te me... laisse, Drew. Ouais. Ensuite, je me suis procuré les Sims au spa. Oh! Ça m'a donné un centre de santé de spa, puis c'est tout. Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine pour le prix que tu as payé? Non, pour 40 $ l'expansion au spa, Hé, hey, vraiment. 40! Oui, les expansions complètes sont 40 $. Oh. Fait que pour 40 $ avoir un spa, non, je ne le conseille vraiment pas. Il y a le DLC également, Destination Nature, c'est que c'est... Ça, je le recommande. Je ne l'ai pas acheté, mais j'ai un de mes amis que j'ai vu le jouer. C'est Ouais. que dans le fond, ton Sims peut aller faire du camping. Ouais, je l'ai vu parce que je sais pas si tu connais la youtubeuse Aya Scopequake. Non? Ben ça, c'est une... je te l'ai montré, là, ça a l'air vraiment cool. Elle a les cheveux mauves, elle est toute belle, puis ça fait longtemps qu'elle est là. Dans le fond, elle joue beaucoup, beaucoup à des jeux différents, puis ça, c'en est un qu'elle a joué récemment, ben récemment, quand il est Ouais, sorti, à quand sa il est sortie. sorti. Puis c'était vraiment drôle, là, tu la vois aller dans le camping, puis là, il y a un monsieur qui se promène, puis qui est déguisé en ours, puis c'est vraiment nice. Tu peux aller chercher des petits champignons, aller chercher des trucs. Puis ce qui est Oh! cool aussi, c'est que tu peux faire de l'exploration, puis des fois, il y a des trucs qui arrivent, puis tu as le choix entre un ou l'autre. Tu sais, comme des fois, tu as des petites questions, devant tu réponds au téléphone, est-ce que tu veux le métier ou Oui. non? Mais il y en a justement spécialement fait pour dans le bois. Fait que des fois, ton Sims peut pogner une allergie, des choses comme ça. C'est vraiment cool. Oh, c'est le fun! C'est Ben cute. là, ok, ça m'encourage. Je pense que je vais me le procurer. Je t'aurais dit, lui, tant qu'à aller avec celui-là du spa, je te proposerais Ouais, c'est celui-là. sûr. Je sais pas si tu peux Dommage faire que je peux comme. pas l'échanger. Ah, tu peux pas faire comme Steam. Avec Steam, des fois, après un certain temps, tu peux quand même le Oh non, mais là, ça fait changer, longtemps, là. Ça va faire comme là. un an. Ok. Donc, Ok. après ça, il y a eu l'expansion des restaurants qui vaut vraiment la peine, à mon avis. Ok. Parce que ça te donne un restaurant à mettre sur ta carte. En plus, ça Tu choisis te... ce qui va ou. Ben, comment ça fonctionne dans les Sims 4, c'est que t'as jusqu'à maintenant, on a trois maps qu'on peut faire vivre notre Sim. Ben, en fait, là, le jeu de base, tu as des maps uniquement pour que ton Sims puisse y vivre. Ouais. Puis, tu as des maps pour mettre tes nouveaux bâtiments. OK. Donc, moi, maintenant, ma Sims a vie à Saint-Sunto, ça s'appelle, dans la nouvelle OK. expansion de la vie citadine. Quand ils m'ont dit, OK, il faut que tu mettes ton restaurant, ben, je pouvais pas le mettre dans la ville, j'avais pas de terrain pour ça. Dans les Sims 3, tu pouvais prendre ta map puis remodeler ta map comme tu voulais, tu pouvais installer un parc si tu voulais, Tu poulet, tu poulet facile. Tu pouvais faire ça, etc., etc. Donc, voilà, fait que c'est ça. Fait que là, moi, je pouvais pas. C'est ça que je trouve dommage. Fait que quand tu te déplaces quelque part, tu dois spawner. Et puis, ça te ramène À bon à endroit. l'endroit, c'est ça. Fait que les restaurants, ça, c'est un beau... tu peux faire ton restaurant, puis tu peux décider du menu. Ça, c'est vraiment intéressant. Ah, c'est cute. Puis, quand tu vas au restaurant avec ton Sim... là, tu cliques sur la table, puis là, le menu arrive, tu choisis le menu, puis après ça, tu recliques sur la table, puis tu payes, puis tu peux t'en aller. Est-ce que tu t'occupes de l'économie de ton restaurant ou c'est vraiment plus juste un petit Oui, restaurant qui est l'économie, tu as du personnel, des Hey, la uniformes. gestion là, c'est de la vraie Oui, gestion. ah non, c'est vraiment intéressant. Pour ce qui est de la vie citadine, c'est vraiment nice. Ça donne une nouvelle carte. Dans la nouvelle carte, tu as trois quartiers. Tu as un quartier assez bohème qui a où ce qu'il y a un marché des épices. Tu as un quartier des artistiques où ce que tu as une galerie d'art. Tu as un quartier. Ah oh non, il y en a quatre. Tu as un quartier, voyons, geek, où ce que tu as des conventions et des choses comme ça. Nice. Puis t'as un quartier, ben c'est pas tant un quartier parce qu'il n'y a pas de festival là, il n'y a pas rien, c'est juste des gros buildings pour les gens riches. Donc, puis là ton but ultime avec cette expansion-là, c'est de déménager dans ce building-là. Puis à chaque semaine ou quelque chose comme ça, t'as un festival que tu vas, et puis quand tu te présentes au festival, t'as des petits défis à faire. C'est assez léger, mais c'est assez le fun quand même. Puis, je l'aime beaucoup. Puis, aussi, en terminant, là, une petite affaire que je trouve vraiment intéressante, là, c'est qu'il y a la fonction végétarien qui Oh, est t'es arrivée. senti interpellée. Oui! Fait que j'ai mis ma simiette végétarienne, puis c'est vraiment drôle parce que un moment donné, dans les Sims 3, ton Sim pouvait être végétarien, puis quand il mangeait des trucs végétariens, il y avait un bonus. Mais là, dans les Sims 4, Maxime, elle a mangé de la viande parce que c'était une soupe qui était au menu. Puis moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Puis il faut croire que la soupe, il y avait de la viande dedans parce que là, Maxime, elle a pété une crise puis elle était malade. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que ça met un défi de plus, ça fait ça de plus à s'en occuper. Puis l'humour des Sims est très présent dans cette expansion-là, plus que dans les autres. Ah Oui, fait que c'est quelque oui! chose As-tu un que... exemple? Ben, il y a une toilette qui te parle, puis quand t'es pas Ouais. dessus, quand ton Sims n'est pas aux toilettes, ben, elle fait des spectacles de d'eau et lumière. Oh my god! C'est comme une petite fontaine! Ben, c'est ça. C'est assez... Ben, tu sais, je le soumets, puis les viewers étaient comme, ben, voyons donc, c'est ça, ta Qu'est-ce que toilette est brisée! Donc, c'est ça? C'est cute. ouais. Fait que c'est ça qui conclut nos critiques. Puis sinon, ben, on va parler un petit peu du Comic-Con de Québec, parce qu'on y a été. Ben, moi, j'ai semi-été. T'as quoi? J'ai semi-été au Ah! Comic-Con de Québec. Ouais, ben, je veux dire, t'es à Québec. Ouais. Puis, dans le fond, je vais le mettre dans le menu. Tiens, voilà. Dans le fond, ben, moi, je vais commencer pour expliquer un peu parce que, dans le fond, Anne est venue. Il y avait un souper organisé. Anne est venue au souper. Le Comic-Con de Québec, en fait, c'est un Comic-Con organisé par les mêmes gens que le Comic-Con de Montréal. Et puis, je sais pas si je peux montrer mon article. Je vais essayer de le faire pour les gens qui nous regardent là voyons comment qu'on dit. YouTube. Ouais. Fait que ça va prendre juste 2 secondes. Sélectionner un bon écran, ça irait mieux peut-être. Oups. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le Comic-Con de Québec, il y a tout le temps lieu à l'automne. Puis il est tout le temps. Ben, au mois d'octobre, l'année passée, il était. Ouais, l'année passée, il était à la même date environ. Puis en haut. Tiens, voilà. Fait que voilà, j'ai mis l'article là parce que j'ai rédigé un article en fait sur notre séjour là-bas. C'était le 22 puis le 23 octobre, puis la majorité des gens de Twitch, on en a profité pour y aller ensemble. Puis parce que tu sais, ça rejoint pas mal les gens de la communauté. Donc on en a profité pour y aller. C'est une occasion parce que les gens de Twitch, on est pas mal un petit peu partout au Québec. Fait que ça donne une occasion de se voir puis de passer du temps ensemble. Fait que c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Il y a eu différents panels organisés par des gens de la communauté. Comme là, les photos que je montre, c'est un panel organisé par KP qui parlait du cosplay. Il y avait beaucoup, beaucoup de panels de cosplay. C'était super intéressant. Après ça, on a eu... Il y a eu le panel de Denis Talbot qui a fait avec... Là, on voit Benoît Mercier. Et il a fait un... Il a répondu à quelques questions. Il a parlé beaucoup, beaucoup avec le public. Il a parlé un peu de qu'est-ce qu'il faisait. C'était super intéressant. C'était très chaleureux. La salle était pleine. On a vraiment eu du fun. Alors, on a tous été là en groupe. En plus, c'était vraiment intéressant. En plus, je Moi... pense qu'il donnait Oui? aussi des autographes, hein? Il était invité Oui, comme il pendant. était... Denis Talbot était aussi Parce que dans le fond, Comic-Con, t'as les panels, comme là, je suis en train d'expliquer, mais il y a également des ateliers, il y a également des artisans qu'on peut aller voir dans la salle, puis il y a des différentes démonstrations, puis il y avait des invités disponibles pour des séances de signature gratuites. Puis vu que le Comic-Con de Québec est assez petit, puis est assez nouveau, C'est c'est... gratuit! Les signatures, oui. Ah! Oui. Puis vu que le Comic-Con est assez petit... De Québec, là. Il est nouveau, là. Il y a 3 ans, on s'entend, là. Ben, c'est que, dans le fond, ça nous donne beaucoup plus de temps avec les artistes qui sont là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis à Montréal aussi, là, les signatures, ça, c'est gratuit. C'est juste qu'à Montréal, par exemple, les vedettes vont beaucoup amener des produits à vendre sur place également. Parce que c'est Ouais. comme leur table aussi. Je sais que normalement, celui qui était à Montréal, c'était souvent des 80 $ environ parce que c'est souvent des acteurs et des trucs comme ça. Non, non, Je sais ça, que c'est pas ben, la même chose. non, au Comic-Con de Montréal, dans le fond, t'as les vedettes que payantes. Les vedettes payantes sont OK. comme cachées dans des tentes fermées. Tu peux pas les voir si tu payes pas. Tu sais même pas qu'ils sont au Comic-Con si tu payes Ben, pas. est-ce que tu avais été voir en haut? Parce que moi, quand j'avais été avec celui-là qui était de Walking Dead, par exemple, j'avais réussi. Tu peux monter en haut, puis tu voyais quand même, tu avais accès à eux, mais il fallait que tu payes pour avoir la signature puis prendre une photo, par exemple. C'est pour ça que j'ai vu un show, puis j'ai vu aussi l'autre, j'ai oublié le petit nerd dans Walking Dead. J'étais comme, oh my god, j'ai vu! Ben, Capoté, là. c'est sûr que moi je Peut-être vais ça dépend parler. lesquels. Ben, Peut-être. c'est sûr que moi je vais parler du Comic-Con de Montréal de cet été. OK. Puis à cet été, quand j'y étais, ils étaient toutes sans exception dans des tentes. Puis ils passaient par en arrière pour y aller, puis c'est tout. Puis moi, j'ai vu l'acteur qui fait le pingouin dans Gotham parce qu'il était dans la foule. Il avait juste voulu aller faire un tour avec. Il avait comme un bodyguard, là. Puis il se promenait avec son petit sac à dos partout, puis il avait du fun. Puis moi, je l'ai vu quand il sortait. Mais en tout cas, à Montréal, c'est comme ça. À Québec, il y a des gros noms dans des tentes, là, à 80 $, il n'y en a pas. À Québec, tu peux pas payer 80 $ puis te faire prendre en photo ou avoir une signature. Par exemple, puis à Montréal, là, ceux-là que la signature est gratuite, moi je parle surtout des cosplayers. Jennifer Nigri, Yaya Anne. Ah, Jessica Nigri. Ah oui, j'ai dit Jennifer. Puis ça, tu peux faire la file, aller les voir, puis demander une signature. Ça, c'est comme un peu Leur leur. revenu. Ben oui, mais c'est parce que c'est comme, vu qu'ils sont trop populaires, ils peuvent pas se prendre une table puis être un exposant comme tout le monde. Fait qu'ils sont là avec de la sécurité, puis les gens font la file normalement, puis il y a un espace réservé pour eux parce qu'il y aurait trop de monde sinon. Mais tu sais, ça c'est pas. Mais par exemple, si tu voulais ta photo avec Yaya Anne, exemple, tu pouvais payer 80 $, tu avais ta photo avec elle, avec un fond spécial, puis elle prenait le temps de parler avec toi, etc. Ça, c'est possible. Mais sinon, ils étaient à leur table normalement, puis tu peux aller leur parler, là. OK. Mais c'est ça. Eh anyway. Oui. Ensuite, pour en venir au panel, on a eu le. Moi, je suis allée également le dimanche. La majorité en ont profité pour repartir le dimanche. Moi, je suis allée le dimanche. Il y avait un panel qui parlait du doublage au Québec, principalement sur les Simpsons. Puis on a. Oui, on a eu Milhouse et Bart qui étaient là. C'était vraiment intéressant. Ils nous montraient comment ça fonctionnait. Puis ils nous montraient comment aussi. Parce que, tu sais, c'est du doublage, mais c'est un travail d'acteur, là. Vraiment impressionnant. Puis vu qu'on les voit pas, ils sont comme dans l'ombre. Je trouvais ça tellement intéressant, pas original. Ben c'est une bonne idée. Puis honnêtement, moi j'avais pas été celui de Québec, mais si ils faisaient la même chose à Montréal, je suis certaine qu'il y aurait quand même un grand public. Ah là, c'est Allez les sûr. voir. C'est sûr parce qu'en plus, ils sont de Montréal, eux autres. Fait que. Ouais. Ensuite, il y a eu le spectacle. Moi, j'ai été au spectacle de Zelda, de l'orchestre avant de musique de film, qui ils ont fait une représentation d'un spectacle pour Star Wars et Zelda. Moi, j'ai pas pu aller à Star Wars, mais j'étais à Zelda. Ben, en fait, toute la communauté, on était à Zelda. C'était super. Ah, ça m'a impressionné. Moi, Zelda, j'aime pas ça, là. C'est pas un jeu qui m'intéresse, mais. La musique, là, le spectacle, là, ça m'a ému, ça a été. C'était impressionnant. Puis il paraît que c'était tellement populaire qu'il y avait du monde qui n'ont même pas réussi à rentrer, hein. Ah oui, puis il y avait du monde debout. C'était, là, impressionnant. Ça valait vraiment la peine. Puis, concernant. Moi, j'ai été au Comic-Con parce que j'ai fait un article pour le blog, là, j'étais invitée. Mais sinon, là, j'ai dit que j'ai pas pu aller au spectacle de, voyons, de Star Wars parce que on avait un souper! On Si avait un tu veux. souper qui était fait avec la gang de Twitch au Québec. Ça a été organisé par Imo Ellie puis Lost Girl, surtout. Ils ont organisé un petit souper au Café Buade qui appartient justement à Imo Ellie. C'était vraiment nice. On a été invités là. Fallait arriver là, pourquoi 6 h 30 si je me Ben, trompe pas? qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on a été au Comic-Con, la température était juste dégueulasse, pour être poli, là. Le but, c'était, dans le fond, à partir de 16h, toute la communauté Twitch, on était censé se regrouper dans un petit parc à côté. Comme ça, les gens qui voulaient pas payer pour l'entrée n'avaient pas à le faire, puis on pouvait comme tout se parler puis se voir. Mais il faisait tellement... Mais quand que je dis pas beau, là, c'est que tu pouvais La même... pluie et tout, là, ouais. Non, tu pouvais même pas marcher 5 minutes dehors sans te faire arracher la face, là, par l'eau, la glace et la pluie, là. Puis le vent. Donc, ça marchait pas. Fait qu'on était dans le hall du palais des congrès, du centre des congrès. Excusez, à Québec, c'est un centre. On était dans le hall du centre des congrès pendant comme 1 heure. On prenait des photos, puis on était plantés là, puis on était comme ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ben, en tout cas, et puis je sais qu'on demandait à Emily si c'était possible d'aller au restaurant tout de suite, parce que là, ça avait. Plutôt que prévu, là. Ben oui, parce que nous, dans le C'est fond, on ça. était censé arriver pour 6h30. C'est ça, pour 6h30. Sauf Puis que... là, on était à 4h, il était rendu 4h, comme quasiment 5h, puis on était, tu sais, puis les gens du palais, là, les employés du centre des congrès ont été super gentils, tu sais, ils nous ont pas demandé de quitter, puis tu sais, on était dans le chemin, honnêtement, là, mais, puis ils ont été vraiment gentils, mais là, ça avait pas de bon sens, là, rester là une Pour une heure femme, et c'est demie. trop un peu, là. Hey, mais non, mais on était pâtés là, ça avait pas de bon sens. Puis on n'avait pas d'autre place non plus. Fait que là, à ce moment-là, c'est là qu'on a été au Directement café. au souper. Oui, puis on est arrivé à 5 h quelques, là. Fait Ouais. que là, le temps que tout le monde se rapatrie, là, ça... C'est ça. Ben, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il y avait au souper aussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait des mini-jeux aussi. Parce que, ben, pour commencer, là, ce qu'on devait faire quand on arrivait, tout le monde se voyait, tout le monde se parlait, les photos, les câlins, blablabla. T'as qui adore ça. Oh ouais, ouf, ouf, ouf, ouf, Fait que tout le ouf. monde se voyait, c'était vraiment cool parce que c'est du monde autant qui était à Québec, à Montréal, il y en avait d'un peu partout, même du Saguenay. Donc c'était vraiment un bel endroit pour que tout le monde puisse se rejoindre, se revoir, parler, etc. Puis qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on avait le choix entre 3 repas qui incluaient aussi l'entrée, le souper, plus le dessert. C'était vraiment cute. Puis pendant qu'on attendait, c'est qu'on avait l'option, ben, on faisait des mini-jeux. C'est Mo et Lé encore une fois et Lost Girl qui avait organisé ça, qui avait mis même des prix qu'on pouvait gagner. C'était vraiment gentil de leur part. Et même Denis Talbot est venu aussi au souper. Donc c'était vraiment nice. Tout le monde s'est rencontré. Tout le monde a eu bien du fun. Puis par la suite, on est allé aussi au bar. Au C'est ça. meltdown. Au Meltdown de Québec. C'était vraiment. Moi, j'ai vraiment apprécié ma soirée. Ouais, moi aussi. Puis en plus, le menu, il était super bien organisé. Dans le fond, c'était un prix assez abordable. Puis on avait un choix, quand même, 5 choix de repas. Ben, c'était top 3. Je sais que nous autres, on avait 3 choix. Ben, Ah. 3 choix pour entrer, 3 choix pour dîner, OK. 3 choix. Ah, Ben, OK. Ben, souper. Sauf OK. à moins que t'étais une personne végétarienne. Ouais, ben c'est ça, moi, dans le fond, j'ai comme pas eu le menu nécessairement parce que j'ai pris l'option végétarienne. C'est ça, on avait 3 choix. Puis c'est ça, puis c'était, tu sais, c'était complet, là. On avait l'entrée, plat principal, dessert, breuvage. Ben, le breuvage qu'on avait choix, en gros, c'était un café ou un thé. Si, admettons, on voulait boire, je sais pas moi, de l'alcool, une Ouais. liqueur ou quoi que ce soit, ça c'était à nos frais, puis ça incluait même le type, là. Fait que c'était vraiment le Non, c'est pourboire. ça, c'était vraiment, mais tu sais, comme quelqu'un qui veut y aller sobrement, là, sérieusement, il n'est pas obligé de se prendre juste une assiette de frites, là, tu sais, il y avait vraiment tout, là. Fait que c'était C'était des vraiment, brochettes, des pâtes, ouais. c'était Puis, tu vraiment sais, c'est un super beau restaurant dans le Vieux-Québec, puis c'est le fun parce que ça donnait l'opportunité aux gens de la communauté qui sont mineurs de venir aussi, puis d'avoir du fun, parce que souvent, on va dans des bars ou des choses comme ça, puis les mineurs peuvent pas venir. Donc, Ouais, puis on a quand même beaucoup de mineurs de comme 16 ans, 17 ans. Fait que c'est tannant parce qu'ils sont vraiment comme ça à la limite. Fait que parce qu'on le sait pas, tu sais, pour nous, ils ont 18 ans ou, tu sais. ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'on avait une belle intimité parce qu'on avait toutes les tâches du haut. On n'était pas mélangés non plus avec d'autres gens qui étaient comme, c'est quoi ça, Twitch? Ouais, puis on C'est ça. dérangeait pas personne, tu sais. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant à mentionner, Eva Lacuma avait organisé aussi une sortie d'un karaoké que moi j'ai On en a entendu parlé. dire. Donc, tu sais, tout le monde a participé, puis ça a vraiment été super le fun. Puis que ce soit comme au Comic-Con de Montréal, au Québec, en tout cas, je trouve ça le fun que tout le monde mette du sien, là, puis mette des efforts pour aller à des. Ben, qu'on puisse se rencontrer finalement. Puis ce qui était cool aussi, c'est que je tiens à remercier tous ceux qui ont pu faire des lifts aussi aux gens, parce qu'on s'entend qu'à Québec, il n'y a pas nécessairement de métro. Fait que, puis il n'y a pas de parking non plus! Ouais, fait que, il y avait vraiment des gens qui étaient là, puis qui ont proposé de faire des lifts, puis c'était vraiment apprécié. Le covoiturage était de mise. ouais, ça c'est le cas de le dire. Hey, je checkais ça aussi. On n'avait pas d'autres sujets, je pense, après ça. Non. Je veux juste savoir avant, qu'est-ce que tu penses, toi, de la nouvelle Nintendo? La Nintendo, la petite Nintendo, là? Ben, la Switch? Non, non, vraiment, la petite qui vient de sortir à 80-90$. Ah, oh, ok, la Nintendo classique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve ça bien, mais je me dis, c'est-tu trop peu, trop tard? Dans le sens que ça fait des années que tout le monde est sur l'émulateur. Pourquoi qu'ils ont pas sorti ça il y a 10 ans avant que l'émulateur pong ou etc. Tu sais, pour... Là, ils sortent ça maintenant, puis avec une énorme rupture de stock pour créer une rareté. Le ouais. monde se bat, ça prend congé pour aller faire la file au Walmart. Puis, ouais. tu sais, en parlant de rareté, je tiens à préciser aussi, moi, je voulais aller m'acheter le Amiibo de Boo qui allume dans le noir. J'ai été au Walmart, OK? Puis on s'entend, là, un Walmart, c'est énorme. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, hein? J'ai dit, comment ça qu'il n'y en a pas? Elle dit, oh, elle dit, on a reçu deux Amiibo de chaque. Pas par exprès. Deux de chaque. Tu sais, c'est une joke, là. Puis surtout qu'on sait que les bouts viennent tout le temps en paquet de trois. Fait que c'est normal si quelqu'un veut acheter trois bouts, mettons. Fait qu'ils viennent vider le rack au complet. Tu sais, Nintendo puis sa rareté, moi, j'ai... Fait que je suis en train de me demander, est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur ou c'est juste à cause de sa rareté que les gens sont intéressés à l'avoir, tu sais? Ben, c'est sûr que moi, je trouve que c'est intéressant pour, par exemple, dans le temps de nos parents. On s'entend que nos parents, ils en ont tous profité de la Super Nintendo. Mm-hmm. Puis, aujourd'hui, est-ce que nos parents connaissent vraiment tout ce la Nintendo classique. Ben, moi, je parle de la Super Nintendo dans le temps, là. Ouais, mais c'est j'allais dire que nos parents, ils avaient ça. Okay. La Nintendo, ben, c'est vrai que ou la Nintendo du temps, comme tu dis, là. La classique. La Nintendo, vu que c'est la classique, c'est la première qu'on parle, là. Ou la Super Nintendo, tu sais, ils vont juste... Nos parents, de notre âge à nous, environ, ben, dans notre cas, ouais. Nos parents, en tout cas, dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, là, ils ont tous connu les débuts des consoles de Nintendo. Mm-hmm. Sauf que, est-ce qu'ils savent nécessairement comment faire pour aller télécharger un émulateur, aller télécharger toutes ces choses-là? Honnêtement, ma mère, là, elle me dit, elle m'appelle, OK, elle me dit, j'ai pas un virus, je sais pas quoi faire, tu sais, t'entends en arrière-plan la grosse sirène qui crie, là, tu sais, sur l'antivirus, ça capote, là. J'ai dit, ah, écoute, je t'entends pas, baisse le son de l'ordinateur, mais elle savait même pas comment, là. Hein? Ouais. J'ai juste à dire ça. Puis ma mère a genre 45 ans, 46 ans. Fait que tu sais, elle est pas non plus extra vieille. Puis elle a connu les consoles. Mais ça, je trouve, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour elle. Comme tu dis, pour la Nintendo classique, la première qu'elle a jouée dans le temps. Parce que c'est beaucoup plus facile. Puis il y a quelque chose d'autre aussi qui m'a un petit peu fâchée, comme tu dis. C'est que la Nintendo, souvent les gens en ont acheté pour les revendre beaucoup plus cher. Mm-hmm. Mais je tiens à dire aux gens qui écoutent le podcast de pas tomber dans le panneau. Non, parce que oui, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ils vont les renouveler, ils vont en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bientôt pour le temps des fêtes. Donc, payez pas ça 500$, 600$, je n'ai même vu à 1500$, là, je veux dire, comment? Attendez, ben, ils vont en avoir d'autres, ils l'ont confirmé, Nintendo. Moi, je tiens à dire aussi... Oui, c'est confirmé. Ah, ben oui, Nintendo a envoyé des communiqués dans ses magasins pour le dire. Ça va sortir en haut qu'on goûte, dans le fond, jusqu'en au printemps. Mais je tiens à dire aussi que pour ce qui est concernant Nintendo, moi, je voulais absolument, au début des Amiibo, je voulais absolument Jigglypuff comme Amiibo. Puis il était une exclusivité Target, Walmart, puis Toys R Us uniquement. Mm-hmm. Puis il disait qu'après, vu que c'est une exclusivité, il avait arrêté la production puis qu'il n'y en aurait plus. Okay. Donc, quand je suis tombée sur le Amiibo de Jigglypuff, il était à 80$. C'est pas donné, hein? Non, ben je l'ai acheté parce que ça faisait un mois que je le voulais puis je pouvais pas l'avoir puis tout ça. Puis je me disais, il n'aura plus. Mais l'affaire, c'est que c'était pas vrai. Là, présentement, là, quand je cherchais pour mon Amiibo... il y en avait chez EB Games, il y en avait chez Walmart, il y en avait partout. Fait que là, c'est jamais bon. Dans le fond, Nintendo fait exprès de faire une rareté quand ils en ont dans leurs choses, dans leurs entrepôts, je sais pas. Dans les inventaires, ouais. Ouais, parce que ça fait quoi? Ça fait un an et demi environ que j'ai acheté mon Jigglypuff. Puis là, il ressort. Ils pensent probablement qu'on a oublié qu'est-ce qu'ils ont dit, là, puis qu'il y avait plus de production, puis qu'ils avaient tout écoulé, là. Mais Ouais. clairement, c'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas recommencé une production là, pour pouvoir en mettre un petit peu dans le Best Buy puis un petit peu dans les Big Games. Là. Puis Fait que on s'entend que c'est. t'aurais pu en avoir 5-6 pour le même prix rendu là, là. Ouais. Puis, tu sais, puis ça, c'est plate parce que moi, en tant que consommatrice, ben, je me dis, je me suis faite comme avoir ou je sais pas quoi. Puis le Ah, pire, pour c'est une que. fée. Ouais, mais c'est parce que le pire en plus, c'est que c'est même pas Nintendo qui a profité de mon 80$ puis de la rareté, c'est le commerçant. C'est le commerçant que lui a fermé sa boutique telle journée, qui s'est déplacé dans un Toys R Us, puis qui les a tout achetés, puis qui les a revendus, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, que, tu sais, c'est un marketing que Nintendo fait, qu'il faut s'habituer. Moi, je me souviens, le plus marquant, c'était celui-là de la Wii. De la Wii U. Quand la Wii Je U est l'avais pas sortie. acheté. Ben, nous autres, dans le fond. La journée de sa sortie, il y en avait. Moi, en tout cas, si tu y allais à 8 h le matin, la sa sortie, il y en avait. Là, après ça, moi, c'est mes parents qui ont décidé d'en acheter une. OK. Puis, il n'y en avait plus. Puis, ils sont allés au Costco, puis Costco avait une pile pleine, mais de blanches. Celle-là, avec juste 8 C'est pas les gags. blanches que tu voulais, là. Ben, la blanche, elle avait 8 gags de mémoire, puis juste la mise à jour du firmware prenait. Genre 7,5 gigs de mémoire, tu sais. Mais moi, mes parents, ils pensent pas à ça, là. Fait qu'ils l'achètent, puis ça a un vrai calvaire. Un vrai calvaire. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, puis là, oui, ça nous a pris quoi, 2 ans de l'avoir, parce qu'il n'y en avait jamais nulle part. Ça, c'est vrai. Je me souviens de la rareté de la Wii, par exemple. Ouais, parce que moi, mes parents, c'est pas les genres à faire une file pour aller chercher quelque chose. Fait qu'eux autres, ils n'ont acheté juste quand il y en avait sur les tablettes, normalement. Puis ça a pris 2 ans, là. C'est vrai, avec la rareté qu'il y avait avec la console. Mais on s'entend que c'est quelque chose qui était nouveau aussi, hein. Par exemple, on Oui, pouvait avec les manettes, on pouvait toucher bouger, puis tout ça, puis ça, les paramètres. t'sais, tout le monde, c'était son rêve, là, que quand tu tossais la manette, ça l'aidait le bonhomme, là. Fait que c'est quelque chose mais c'est ça, fait que c'est juste comme tu dis, tu sais, tu dis aux gens de faire attention, mais tu sais, moi, je dis comme toi, là, tu sais, il faut juste être patient, parce que ça vaut pas la peine, parce que vous allez payer 1 000$ pour ça, puis dans même pas un an, ça va être une vraie joke, là. C'est une question de temps. Ouais. Bon. Bon, fait que je pense que c'est ça qui conclut le podcast. Toi, tu vas faire quoi le mois prochain? Moi, ça va être bien relax. Je vais continuer à jouer à mon petit jeu de Zelda Wind Waker que j'ai pas mal délaissé depuis que je l'ai. Depuis que je suis aux études, j'ai beaucoup moins le temps. Sinon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais continuer mes petites vidéos. Justement, il faut que je fasse une vidéo YouTube. Je pense que je vais la faire aujourd'hui. J'avais fait des questions and answers. Mais ça se peut aussi que je fasse une petite vidéo de gameplay. Je sais pas. Puis aussi, il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai finalement été au biodôme. Ben, il faut que je la Oui! montre. Fait que j'ai plein d'affaires à essayer de monter. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui parce que j'ai aussi des devoirs à faire. Puis je vais passer un petit peu de temps avec mon petit one-up. Ah, ça va être le fun, ça. Fait que dans le fond, faut bien surveiller ta chaîne YouTube pour plein de nouveaux contenus bientôt. Ouais, j'en profite parce qu'aujourd'hui, je suis déjà maquillée, là. Ah oui, c'est déjà fait. Non. Ouais, la mesure est faite. Moi, de mon côté, cette semaine, je vais commencer Xenoblade Chronicles chez Girls on Games. C'est un jeu en anglais, puis mes streams chez Girls on Games sont en anglais, fait que je me dis ça va bien faire. Je vais continuer un petit peu mes lives sur les Sims, mais je me demande si je commence pas également Skyrim Non, pas fini les Remaster. Sims! Moi, j'aime vraiment ça, checker quelqu'un qui joue aux Sims, ça. Je te le dis, là. Ben, tu peux Ouais, jouer aux ben Sims j'ai tellement du maintenant. fun, mais c'est parce que ça me tente pas de faire juste du Sim, parce que là, le monde va Non, penser que je fais juste du Sim. Fait que je veux, fait que, tu sais, je veux voir, puis je veux dire, je me suis acheté quand même des jeux, faut bien que j'y joue. c'est sûr. Mais J'avoue que ça a dû quand même. Je suis certaine que t'as eu bien du fun. Ah oui, c'est sûr, j'adore, puis ça me donne le goût d'acheter les autres DLC que j'ai pas, surtout que là, tu m'as parlé du camping. Fait Ben, tu que. vas voir, en plus, je te l'ai envoyé en privé, là. Ouais. Ah, yeah! Fait que, ouais, je vais aller voir ça, certain. Puis là, tu me parlais de ta chaîne YouTube, c'est où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, on peut aller voir sur YouTube. Moi, c'est pas compliqué. Tout pour me trouver, c'est tout le temps AnneBGaming, AnneBGA. MING. Autant sur mon site internet, si vous voulez voir le www.anbgaming.com, tout est là. Ça inclut mon Twitch, mon YouTube, Instagram, Snapchat. J'ai pas mal tout, là. Vous écrivez juste AnneBGaming, vous allez le trouver. Parfait. Moi, c'est Katless, puis s'il y a du monde qui m'ont volé ID. mon ID, c'est Katless 1. Si C'est super compliqué. c'est pas la bonne fille, tu rajoutes un 1. Ouais, ben c'est ça, c'est aussi simple. J'ai pas assez d'abonnés encore sur YouTube pour avoir mon pop URL, mais si vous tapez Katless 1, vous allez me trouver. Faut Puis avoir un certain nombre. oui, ça prend 100 subscribers, je pense, pour avoir ton propre Encore. URL. Eh bien, je savais Puis pas. un coup que tu as tes 100 subscribers, tu peux faire la demande pour avoir ton propre URL. Puis là, tu sais, c'est accepté tout de suite, là. Mais ouais, ça t'en Ouais. prend un minimum. Donc, allez toutes me sub sur YouTube, guys. Je veux mon URL. Go, go, Ouais. go! Donc, voilà. Puis aussi, tu sais, ça va être annoncé bientôt, mais on voulait aussi mentionner que maintenant, les podcasts vont être faits sur. Vont être enregistrés. Dans le fond, ils ne seront plus enregistrés devant le public. Puis c'est une nouveauté qu'on fait maintenant. S'il n'y a rien d'autre qui change là, la date de sortie, etc., etc., reste la même. Donc c'est juste cette nouveauté qui s'ajoute pour offrir un meilleur contenu, on l'espère. Yes. Ouais! Donc voilà, c'est ce qui conclut. Donc on se dit au mois prochain, tout le monde.